Jésus vit. Je ne craindrai aucun mal, peu importe mes ennemis. Je suis plus que vainqueur, quel que soit leur nombre. Ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alors le diable ne peut rien. Tant que Jésus vit, je ne craindrai aucun mal, peu importe mes ennemis. Je suis plus que vainqueur, quel que soit leur nombre. Ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alors le diable ne peut rien. Si Jésus est pour moi, alors qui sera contre moi? Je n'ai donc aucune condamnation, parce que je suis en Christ. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non. Mais je combats dans la victoire. Non, non, non, non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De ténèbres, Jésus est ma lumière. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non. Mais je combats dans la victoire. Non, non, non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Jésus, mon roi. Mes ennemis viendront par un chemin, s'enfuiront par cet chemin, et toute âme forgée contre ma vie n'auront aucun effet. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non, non. Mais je combats dans la victoire. Oh. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Jésus, mon roi. Si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se liguera contre moi tombera sur mon pouvoir. Moi, n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Oh. Mais je combats dans la victoire. Non, non, non, non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Jésus, mon roi. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. Mais je combats dans la victoire. Non, non. Cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque s'éduquera contre moi tombera sous mon pouvoir. Un Dieu puissant, un Dieu vrai. Quand tes ennemis viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept. Le Seigneur est notre berger, il est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il est ma force et mon rédempteur, mon libérateur. Car celui qui vit dans ma vie est plus fort que celui qui est dans ce monde de ténèbres. Jésus est ma lumière. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non, non. Mais je combats